120 têtes alors, ainsi qu'un archipel, sortirent de la neige. Un sergent fit l'appel, et l'aube se montra, rouge, joyeuse et lente. On eût cru voir sourire une bouche sanglante, et je me mis à penser à ma mère. Le vent semblait me parler bas. À la guerre, souvent, dans le lever du jour, c'est la mort qui se lève. Je songeais. Tout d'abord, nous eûmes une trêve. Les deux coups de canon n'étaient rien qu'un signal. La musique, parfois, s'envole avant le bal et fait danser en l'air une ou deux notes vaines. La nuit avait figé notre sang dans nos veines. Mais sentir le combat venir nous réchauffait. L'armée allait sur nous s'appuyer en effet. Nous étions les gardiens du centre, et la poignée d'hommes sur qui la bombe, ainsi qu'une cognée, va s'acharner. Et j'eusse aimé mieux être ailleurs. Je mis mes gens le long du mur, en tirailleur. Et chacun se berçait, de la chance peu sûre, d'un bon grade, à travers une bonne blessure. À la guerre, on se fait tuer pour réussir. Mon lieutenant, garçon qui sortait de Saint-Cyr, me cria: « Le matin est une aimable chose. Quel rayon de soleil charmant! La neige est rose. Capitaine, tout brille et rit. Quel frais azur! Comme ce paysage est blanc, paisible et pur. » « Cela va devenir terrible, répondis-je. Et je songeais au Rhin, aux Alpes, à l'Adige, à tous nos fiers combats sinistres d'autrefois. Brusquement, la bataille éclata. 600 voix énormes, se jetant la flamme à pleine bouche, s'insultèrent du haut des collines farouches. Toute la plaine fut un abîme fumant, et mon tambour battait la charge éperdument. Au canon se mêlait une fanfare altière, et les bombes pleuvaient sur notre cimetière comme si l'on cherchait à tuer les tombeaux. On voyait, du clocher, s'envoler les corbeaux. Je me souviens qu'un coup de but troua la terre, et le mort apparut, stupéfait, dans sa bière, comme si le tapage humain le réveillait.